Une réunion semblable devait offrir et offrait en petit les éléments d'une société complète. Parmi les 18 convives, ils se rencontraient, comme dans les collèges, comme dans le monde, une pauvre créature rebutée, un souffre-douleur, sur qui pleuvaient les plaisanteries. Au commencement de la seconde année, cette figure devint pour Eugène de Rastignac la plus saillante de toutes celles au milieu desquelles il était condamné à vivre encore pendant 2 ans. Ce pâtiras était l'ancien vermicellier, le père Goriot, sur la tête duquel un peintre aurait, comme l'historien, fait tomber toute la lumière du tableau. Par quel hasard, ce mépris à demi haineux, cette persécution mélangée de pitié, ce non-respect du malheur, avait-il frappé le plus ancien pensionnaire? Y avait-il donné lieu, par quelques-uns de ces ridicules ou de ces bizarreries, que l'on pardonne au moins qu'on ne pardonne des vices? Ces questions tiennent de près à bien des injustices sociales. Peut-être est-il dans la nature humaine de tout faire supporter à qui souffre tout, par humilité vraie, par faiblesse ou par indifférence. N'aimons-nous pas tous à prouver notre force aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose? L'être le plus débile, le gamin, sonne à toutes les portes quand il gèle, ou se hisse pour écrire son nom sur un monument vierge.